éclat de sagesse. Des histoires, sagesse et autres saveurs de langue du monde entier, traduites en français et sélectionnées par Jean-Marie Nao.